Exercice 7, page 144. A. Tu connais cette expo? B. Explique-moi cette question. C. Je garde votre exercice. D. Elle exagère, Gaëlle. F. J'accepte votre examen. G. Pas d'accent à exact.